sun. Every break in our walk. En fait, non, c'était 32. C'était du 32, ça ? Bon, je reste sur un 16, c'est pas grave. Non, je sais pas. Non, vas-y. De toute façon, c'est l'heure du goûter. Ok, sur le 1, 2, 3, 4. Big Floyd attendra.